de rien. Tout ce mal, tout ce bien, c'est nous, c'est tout, c'est rien. C'est une pierre dans l'eau, c'est un vœu. C'est une pierre dans l'eau. Nous partirons bientôt, bientôt. Dans ce monde pervers, son envers. Viens, allons-nous en paix. T'es pas du rage, plus vert. J'ai une pierre dans l'eau. C'est un eux. Jette une pierre dans l'eau et nous partirons.